Je suis un clown triste, je ris ou bien je pleure, en fonction de mon humeur, ou encore selon l'heure, ou selon les moments, les divers événements que ma mémoire liste. J'aimerais rire plus souvent, mais le spectacle désolant des gens autour de moi, mais notre belle société où les privilégiés, tous les contents de soi, étalent leurs richesses, leurs bijoux et leurs fesses, pendant que des milliers d'autres dans la misère se vautrent, me donnent envie de vomir, me donnent envie de vomir. Triste, je suis un clown triste, je ris ou bien je pleure, en fonction de mon humeur, ou encore selon l'heure, ou selon les moments, les divers événements que ma mémoire liste. Notre belle planète agonise par l'humaine bêtise, c'est une chose acquise, pas besoin d'expertise, l'avenir est en gris, vraiment un beau gâchis, bientôt plus de gazouille, les imbéciles ravis de cette société pourrie, j'ai grande envie de vomir, j'ai grande envie de vomir. Triste, je suis un clown triste, je ris ou bien je pleure, en fonction de mon humeur, ou encore selon l'heure, ou selon les moments, les divers événements que ma mémoire liste. Y aurait-il un petit espoir de ne plus voir tout en noir? Pouvons-nous encore rire? Fais-je rêver du grand soir, le grand bonheur revoir, quand finira mon rire? Allons, il faut en rire avant que d'en pleurer, avant que d'abdiquer, mais quelle envie de vomir, mais quelle envie de vomir. Triste, je suis un clown triste, je ris ou bien je pleure, en fonction de mon humeur, ou encore selon l'heure, ou selon les moments, les divers événements que ma mémoire liste. De quoi demain sera-t-il fait? Cela Dieu seul le sait. Et encore s'il existe, je me noie dans mes pensées, dans ma perplexité. Je deviens fataliste, peut-être je m'en foutiste, jouons les inconscients, mangeons, buvons, rions, vive la vie, compagnons, mais quelle envie de vomir, mais quelle envie de vomir. Triste, je suis un clown triste, je ris ou bien je pleure, en fonction de...